الدعوة السلفية الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 15. Dua ou l'istiftah. L'invocation d'ouverture de la prière. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et les musulmans. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله نبدأ في المراجعة. Donc on va prendre la révision du cours qu'on a pu voir vendredi dernier, qui a tourné autour de l'khushu' wa al-nazar et l'amour du sujoud, c'est-à-dire l'humilité et la concentration dans la salah et l'endroit où doit être fixé le regard pendant la prière. On a pu voir à Walan que Al-Khushu' il fait partie des actes des cœurs, comme l'a évoqué l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Madarij al-Salikin. Qui peut nous rappeler de la définition du Al-Khushu' de l'humilité et de la concentration? Si vous vous rappelez, on avait évoqué كما قال l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala هو قيام القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع. Et donc il nous dit, c'est le fait que le cœur se tienne par humilité et humblement devant Allah Azza wa Jal et par soumission, et que son cœur soit totalement replié et concentré sur cela. Et j'ajoute un petit athar qui nous prouve que Al-Khushu' c'est dans le qalb. Et ça fait partie des actes du cœur. Il a été dit de Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu annahu nadhara ila rajulin ya'bathu bi lihyatihi fi as-salah fa qala law khasha'a qalbu hadha sakanat jawarihuhu. Il nous dit Hudhayfah ibn al-Yaman, après qu'il eut observé une personne qui tripotait sa lihya, sa barbe pendant la prière, et il dit à la personne qui se trouve auprès de lui, si véritablement le cœur de cette personne-là était replié, ses membres auraient été tranquillisés. Donc ceci nous prouve que Al-Khushu' s'est fait le qalb, comme nous l'indique le athar de Hudhayfah. Donc ça, c'est une. Ce athar-là, il a ajouté avec la définition qu'a ramené l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc c'est bien lorsqu'on ramène les définitions, si jamais elles ont été précédées par la parole d'un sahabi, c'est encore mieux que la personne d'un imam parmi les imams de Din. Car les sahaba, c'est ceux qui avaient la meilleure compréhension après les prophètes. Donc ce athar-là, vous l'ajoutez à la définition de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc ça, c'était la définition de Al-Khushu'. Et on avait dit qu'à Zalika, que parmi les fruits du Khushu', c'est qu'il donne naissance à une tranquillité sur les membres. Il donne une naissance à une tranquillité sur les membres. Et cette tranquillité sur les membres, qui se rappelle du terme dans la langue arabe, comment s'appelle la tranquillité sur les membres, lorsque les membres sont apposés, comme on appelle cela dans l'arabe, al-khudu'. Donc il y a farq bayna al-khushu' wa al-khudu'. Il y a un farq baynahuma. Il y a une différence entre les deux, comme l'a évoqué Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah ta'ala. Il y a une différence entre al-khushu' wa al-khudu'. Al-khushu' c'est pour les œuvres, tamam, les œuvres barakallahu fikum du cœur, et al-khudu' c'est pour les membres. Quel est le jugement du al-khushu' pendant la salah? C'est une recommandation. Il a recommandé et ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Quelle est la preuve nous prouvant cela? Car certains ulama ont dit à partir du moment où le cœur est naham sunnah muakkada naham. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la shaykh wa la c'était quelqu'un qui était très concentré dans sa prière. Tu vois? Barakallahu fikum. Hatta on a pu voir que al-khushu' c'est une sunnah parmi les sunnah des anbiya. On avait vu que c'est une sunnah parmi les sunnah des anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait évoqué un grand nombre de prophètes et de messagers dans Sourate al-Anbiya, puis à la fin, il fait l'éloge de ces nobles messagers en disant « Kanu innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'ununa rahaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in » et ils concouraient dans le bien et nous invoquaient par peur et par espoir et ils étaient humbles devant nous. Donc ceci est une sunnah parmi les sunnah d'Anbiya. De se tenir ou que ton cœur soit replié devant Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le hadith. Et quelle est la preuve, comme on avait pu dire avant, qui prouve que al-khushu' c'est une recommandation, comme vous avez pu l'évoquer, hadith, à Abu Huraira, dans lequel al-shaytan, yani, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا قضي التثويب أقبل الشيطان فيختار بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا تمام حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليسجد سجدة السهو. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, yani qui est muttafaq alayh, comme vous avez pu l'évoquer barakallahu fikum, le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous informe que Shaytan s'empresse de vouloir chambouler l'esprit et s'emparer de l'esprit du abd pendant qu'il est dans la prière en lui insufflant yani des choses en lui disant rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela, jusqu'au point où la personne elle ne sait même plus même combien d'unités de prière elle a prié. Donc ceci nous prouve qu'elle est vraiment déconcentrée dans sa prière jusqu'au point où elle a oublié le nombre de rak'ah qu'elle a fait. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de recommencer la prière, mais il lui a recommandé de faire prosternation, de distraction. Donc si jamais ça aurait été le cas, c'est-à-dire c'est une obligation, ou bien une chose qui annule la prière, si jamais ton cœur, ton esprit, il est totalement voué à autre chose, à autre valeur que celle de la salah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas contenté de lui dire de faire sajdat sahw. Car une chose qui annule la prière, il ne peut pas être comblé par la prosternation de distraction. Donc ceci nous prouve que ça annule pas la prière et que le qawl as-sahih, c'est qu'il est barakallahu fikum mustahab. Donc c'est une chose qui est recommandée, comme vous avez pu l'évoquer. Mais cela, même si c'est recommandé, ce n'est pas pour autant qu'il faut barakallahu fikum être distrait dans la prière. Comme on a pu le voir, c'est une chose qui diminue la récompense. Ça diminue la récompense, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, minkum man yusalli asal kamila, wa minkum man yusalli nisf, wa minkum man yusalli al-thuluth, al-rubu', jusqu'au point qu'il a dénombré que la personne sort de la prière en ayant un dixième de la récompense. Ça veut dire que plus la personne sera déconcentrée et plus sa récompense sera diminuée, plus sa récompense sera diminuée. Et comme on a pu le voir, il a compas de faire ceci, d'être distrait dans la prière, car comme on a pu le voir, la personne, lorsqu'elle a fait takbir, elle proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc, proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ça t'implique que tu sois concentré devant Allah Azza wa Jal. Car comment tu peux proclamer sa grandeur, puis tu te distrais de son rappel? Allah subhanahu wa ta'ala qad qal, wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal est le plus grand. Donc, y a-t-il une chose qui est possible au serviteur, au dehors du rappel d'Allah Azza wa Jal, qui puisse se devier vers cette chose-là? Non. Car dhikr Allah Azza wa Jalla, c'est la meilleure des choses, c'est le plus grand des choses, c'est le plus grand des rappels, c'est la plus grande des choses. Donc il doit se vouer à la plus grande des choses. Donc ceci nous prouve que toute chose en dehors du rappel d'Allah Azza wa Jalla, c'est une chose qui est na'am minim. Donc le abd doit se consacrer aux choses qui sont de grande valeur et de haute sollicitation. Ok, dans les cas, parmi les choses qui appuie que cette chose-là, c'est vraiment une chose qui est détestable, fortement détestable, et qui est un mauvais comportement avec Allah Azza wa Jal, car, comme il est venu dans un hadith rapporté par Tirmidhi, et il a été authentifié par Cheikh Mohammed ibn Hizam, dans lequel il est dit barakallahu fikum idha sallaytum falan taltafitu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuwadihuk. Allah subhanahu wa ta'ala te fait face lorsque tu pries. Donc il fait partie du adab de se concentrer et de savoir qu'Allah est en face de toi. Et comme on a pu le voir, kadhalika, ça fait partie de l'ihsan fi al-ibada. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc adore Allah عز وجل comme si tu le voyais. Si jamais tu n'arrives pas à atteindre ce stade-là, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Donc ne sois pas distrait devant Allah عز وجل, tout en sachant qu'Allah عز وجل il sait, il te regarde, tamam, il t'observe. On a vu kadhalika que le khushu' fi salah, ça a beaucoup de récompenses. Yani c'est une cause parmi les causes qui expie les péchés et qui par lequel s'octroie l'abd une récompense énorme. Qui se rappelle d'un dalil, min al-kitab ou sunnah, qui prouve que al-khushu' est d'un grand rétribut et d'un pardon. Si vous vous rappelez, on l'a évoqué, l'aïa qui est dans surat al-Ahzab. Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat. Il a dit subhanahu wa ta'ala, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a dénombré un nombre de personnes qui œuvrent d'une œuvre qu'Allah azza wa jal aime, c'est-à-dire l'islam, l'iman, l'obéissance, la véracité et la khairi, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wal khashi'in wal khashi'at, et ceux qui sont humbles pendant la prière, et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit ahadallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut le verset en comme réservant un pardon et une récompense énorme pour les catégories de personnes qui ont été énoncées dans ce verset là, parmi eux ceux qui se tiennent humblement devant Allah azza wa jalla. Et كذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مرء مسلم تحضر له صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهن ونعم خشوعهن وركوعهن إلا كانت كفارة لما بينها ما لم يؤتى كبيرة رواه مسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, النبي صلى الله عليه وسلم nous informe que la personne qui parfait les ablutions lorsque la prière se présente et qui a bien fait, كذلك نعم, il s'est tenu humblement devant Allah عز وجل, il a parfait les recours et les sujouds, et sans que cela soit pour lui une expiation de ses péchés, à partir du moment où il ne commet pas de grands péchés. Donc le khushu', c'est une grande récompense d'un pardon et d'une énorme rétribution auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? Quel est le jugement de prier dans les endroits qui vont t'emmener peut-être à être distrait dans la prière, comme c'est le cas avec les tapis où il y a des motifs, ou bien les vêtements qui ont des motifs? Quel est le jugement de la salat? Et quel est le jugement de cet acte-là? Non, c'est à éviter. Pourquoi? Comme on a dit, parce que c'est une recommandation. Si jamais tu délaisses une chose qui est recommandée, ça implique que la chose, elle est déconseillée. Tu fais une chose qui est déconseillée. Tout comme la personne qui délaisse le wajib, s'il a délaissé le wajib, il est tombé dans le haram. Celui qui délaisse la recommandation, il est tombé dans le makruh. Wahakal. Donc, comme on a pu le dire, le fait de prier dans ces endroits-là, c'est quelque chose qui est makruh. Quel est le jugement quand on fait de prier, alors qu'on ressent un grand besoin d'aller aux toilettes, de faire ses besoins, ou bien lorsque le repas il est posé, quel est le jugement de la prière de celui qui ne fait pas précéder ces choses-là à sa prière, et éviter car récompense incomplète? Quel est le dalil? Te rappelles-tu du dalil? Non. Min bab al-fa'ida, inshallah, et nahnu alhamdulillah. On dit musulman, ou le musulman, ou le musulman, ou le musulman, mère du musulman, c'est le miroir de son frère. Et on se conseille par rapport à la prière et la salat wa salam, qu'il convient à tout musulman d'évoquer lorsque le prophète sallam il est cité. Et il y a ahlul hadith, c'est-à-dire les gens du hadith, ils voient qu'il est détestable d'abréger la formule qui doit être évoqué après l'évocation du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comme là c'est écrit SWS, il voit que la personne ramène toute la notation, la formule comme elle est, comme cela est évoqué dans le Ba'ith al-Hadith, c'est-à-dire le charh de Ulum al-Mukhtasar al-Hadith. Là, ma fichée. Inch'Allah, on est là pour, c'est pas une critique, c'est juste histoire de se conseiller des choses que certaines personnes peut-être peuvent ignorer. Yahakad al-Ikhwa, Yahakad al-Muslim, Akhul Muslim, c'est-à-dire lorsque le musulman, lorsqu'il voit son frère qui a fait une erreur par inadvertance, il le rappelle, Donc ça fait partie de la fraternité, même si jamais c'est des petites choses comme ça, c'est pas de haram et tout, il dit juste que c'est meilleur, il voit que c'est meilleur de faire cela, Ahlul Hadith, wa nahnu yani Ahlus Sunnah wal Hadith, Donc, Inch'Allah, on se conseille ceci, c'est-à-dire de ramener la formule comme elle est, complètement, Inch'Allah. C'est-à-dire, sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont la possibilité d'écrire en arabe, ou bien qu'ils la ramènent bil ma'na en français. Jazakum Allah khair. Wa qala Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, rahimallah, rajulan, ahdani ila aibi. Umar ibn Khattab, naham, jazakum Allah khair. Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il faisait une dua pour celui qui lui montrait yani ses défauts. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde à une personne qui m'a montré mes défauts. Tamam. Donc nous, on a tous des erreurs. Tamam. Donc, Inch'Allah, il faut accepter. Et naham, c'est afin qu'on se parfait, Inch'Allah. Donc on disait, quel est le dalil par rapport à cela, comme tu l'as évoqué sur le hadith, dans lequel le Nabi Sussam dit La salata bi hadarati ta'am wa la huwa yadfa'ahu ala khabathan. Donc, le Nabi Sussam, l'année d'apparence, il dit la prière, elle est invalide. Tamam. Pour celui qui aura fait précéder, qui aura prié alors que le repas il est posé, ou aura prié alors qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes. Donc comment peut-on juger de cet acte-là, que la récompense elle est incomplète, alors que Nabi Sussam dit « La salata ». Il n'y a pas de prière. Il a nié le fait que la personne ait une prière. Donc comment on peut dire que c'est une récompense incomplète? Quelle est l'interprétation de ceci? Si vous vous rappelez, comme on a pu le voir, yani, as-sahih, c'est que la récompense, elle est incomplète. Et le hadith, yani, ou bien le dalil qui nous prouve cela, c'est le hadith qui a été évoqué par le participant 01. C'est-à-dire qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité un jour, comme on va rendre le hadith de l'Arabie, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du'a ila salat, wa huwa yahtazzu bi katif al-shah. Naham. Bi katif al-shah. Fa taraha al-sikin wa qama ila salat. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, muttafaqun alayhi wa hadith. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été appelé à venir présider la prière en commun, alors qu'il était en train de couper l'épaule d'un agneau, naham. Et malgré cela, tamam, il n'a pas fait précéder le repas, mais il a posé le couteau et s'est levé pour aller présider la prière. Donc ceci nous prouve que ce n'est pas une obligation de faire précéder le repas ou bien l'envie pressante, tamam, ce n'est pas une obligation, mais c'est une chose qui est fortement recommandée. C'est une chose qui est fortement recommandée. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est fortement recommandé? Vous rappelez-vous du hadith qui est clair à ce sujet-là, qui nous prouve que c'est fortement recommandé de faire précéder le repas ou bien les besoins à la prière. Vous rappelez-vous du hadith? Donc j'évoque le hadith. C'est le hadith d'Ibn Umar dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: dans ce hadith qui est muttafaqun alayhi, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande qu'à partir du moment où le repas il a été posé et que l'appel à rejoindre les rangs kazalika il a été fait, tu dois faire précéder le repas à l'appel à la prière, c'est-à-dire à l'appel à rejoindre les rangs. Tamam. Et nous dit, et même ces personnes-là, elles ne s'empressent pas de manger. Elles mangent tranquillement, lorsqu'elle a fini, ensuite elles rejoignent la prière, si jamais elles peuvent la rattraper. Tamam. Donc ceci nous prouve qu'il faut faire précéder la prière. Tamam, c'est une chose qui est fortement recommandée, de faire précéder par le repas ou bien l'envie pressante à la prière. Car ceci aboutit à ce que tu sois recommandé, tu sois concentré dans la prière. Donc ceci nous prouve vraiment que c'est une chose qui est une sunna qui est vraiment mu'akkadat. Donc jusqu'au point, car jusqu'au point, tu es permis de délaisser la prière si jamais vraiment tu as besoin de manger ou besoin d'aller aux toilettes. Donc ceci nous prouve que vraiment, parce que le but de cela, c'est quoi la hikmah, c'est quoi la sagesse, c'est que tu sois concentré dans la salah. Donc si jamais on doit faire, tu retardes la salah pour cela, pour que tu sois bien concentré, ceci nous prouve vraiment que c'est une sunna qui est vraiment mu'akkada, tamam, qui est vraiment naam, très très très très recommandée. Où est-ce que doit regarder le musalli lorsqu'il prie? Le sol. Ma huwa ad-dalil? Naam, pas ad-dalil. Tayyib. Lakin pourquoi tu as dit le sol? N'importe où sauf au ciel. Naam. Pourquoi as-tu dit le sol? Pourquoi plus humble? Naam. Car c'est une position ou bien cet endroit-là est plus amené à ce que la personne soit concentrée dans la salah. Est-ce qu'il appuie cela? Comme on a pu le voir, le hadith yani, qui est venu sur cela, yani, il n'est pas authentifié. C'est un hadith qui est morsel. C'est-à-dire que c'est un tabi'i qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il regardait à droite à gauche pendant la prière, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ». Certes auront réussi les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. C'est-à-dire qu'après cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à baisser la tête et regarder l'endroit où il priait. Mais ce hadith-là, il est mursal, c'est-à-dire que c'est un tabi'i qui a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Et comme on a pu le voir, on nous connaît pas l'intermédiaire qui est entre lui et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, on ne peut pas se permettre de pouvoir en juger qu'il est sahih, car on ne connaît pas l'intermédiaire, c'est-à-dire la personne qui a entre lui et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est une personne qui est pieuse, est-ce que c'est une personne qui a une bonne mémoire, Wallahu alam, donc on laisse le hadith comme il est, c'est-à-dire on ne prend pas. Lakin, il y a une chose qui nous indique cela, c'est l'athar, Inch'Allah, kadhalika, celui-là il a ajouté, tamam. Le athar qui est rapporté par Muhammad ibn Sirin, Abu Bakr, tamam, Mawla, Anas ibn Malik, qui faisait partie, où son père a été affranchi par Anas ibn Malik. Sirin, c'est le père de Muhammad ibn Sirin. Qui est Muhammad ibn Sirin? Connaissez-vous cette personne-là? Ou connaissez-vous une parole de sagesse qui est connue de lui? Rahimahullah ta'ala. Si vous vous rappelez, c'est celui qui a dit « Inna hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum ham ». Donc l'athar, il a été rapporté par Mohamed ibn Sirin, dans lequel il nous dit « Kanu yustahibbun an yanzura al-rajul fi salatihi ila mawdi' sujudihi ». Ce hadith, ce athar-là, il a été rapporté par l'imam al-Marwazi fi ta'zim al-salah bi sanadin zahiruhu al-sihha. Donc il y a une d'apparence, la chaîne de transmission de ce athar-là, il allait, comment ça s'appelle, naham, elle est authentique. Donc ce athar-là, Mohamed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, nous dit que les gens qu'il a rencontrés, et comme on a l'imam ibn Hajar, dans Tahdib et Tahdib, qui est un recueil dans lequel il a réuni, barakallahu fikum, les récits des rapporteurs de hadith, il nous dit que Mohamed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il a rencontré à peu près une vingtaine de sahabis. Et tous, ils estimaient qu'il était bon que le prière, al-musalli, il fixe le lieu de prosternation durant la prière. Donc même si jamais on n'a pas le hadith qui est clair dans ce, ou bien qui est authentique, on a ce athar-là dans lequel, inshallah, on peut voir à travers ceci qu'il y a à peu près une vingtaine de sahabis dont Yann Mohamed ibn Sirin a rencontré, qui nous informent qu'ils aimaient bien, ils voyaient que c'était bon, qu'ils estimaient que c'était bon, de regarder l'endroit où tu priais pendant la prière. Quand même. Donc nous, les salaf ou salafiyoun, on se doit, de suivre la trace de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire de faire comme eux et regarder vers l'endroit de prostration lorsque tu pries, même si jamais il n'y a pas un hadith qui prouve cela. Lakin, ces gens-là étaient les personnes les plus amenées à connaître ce que le prophète sallam faisait. Donc, Inch'Allah, il faut regarder l'endroit où tu te prosternes pendant la prière. Quel est le jugement quand on fait de dévier sa tête de droite à gauche pendant la prière, c'est-à-dire regarder à droite, regarder à gauche? Est-ce que ceci annule la prière? Ceci annule la prière. Non, khilaf bainakum. Qui c'est qui tranche entre le participant 85 et Al-Huda? Comme on a pu voir avec Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la distraction dans la prière, elle se divise en deux. La distraction des cœurs et la distraction des membres. Quant à la distraction du cœur, comme on a pu le voir, c'est une chose qui annule pas la prière, mais qui est fortement détestable de faire. Quant à la distraction des membres, elle se divise en deux, une distraction des corps et la distraction de la nuque. C'est-à-dire, si jamais le corps il est amené à bouger, de manière à ce qu'il dévie de la Qibla, comme on a pu le voir, ceci annule la prière, car la Qibla est une condition parmi les conditions de la prière. Donc il n'est pas observé dans ce cas-là, donc la prière est annulée. Quant au fait de bouger la tête de droite à gauche, tout en observant, ou bien tout en laissant le corps dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire on bouge un petit peu la tête de droite ou de gauche, ceci n'annule pas la prière, mais c'est détestable. Qui peut nous rappeler le hadith qui prouve que le fait de bouger sa tête de droite à gauche en bouger son corps de la Qibla est une chose qui est détestable et qui n'annule pas la prière? Ahsant. La preuve qui est le hadith de Abu Bakr, dans lequel, lorsqu'il a prédit la prière, où le Nabi a retardé le pas pour la prière, pour une occupation, ensuite il est venu et les gens se sont mis à taper des mains pour prévenir Abu Bakr que le Nabi est derrière lui. Ensuite, Abu Bakr s'est retourné pour regarder qui était derrière lui. Il a vu que c'était Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est reculé et Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé et c'est lui qui a précédé la prière. Les ulama ont dit, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abu Bakr, ait tourné la tête pendant la prière pour regarder qui était derrière lui, quand même, ceci n'annule pas la prière, car si jamais ça aurait été le cas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui aurait demandé de recommencer la prière. Donc ceci est détestable, sauf à l'exception si jamais c'est pour une chose qui est valable. Comme on a pu le voir, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a pas réprimandé le fait qu'il ait tourné la tête pour une chose qui est valable, c'est-à-dire pour regarder qui était derrière lui, car les gens tapaient des mains afin qu'il l'informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était derrière lui. En tout cas, si jamais c'est fait sans raison valable, ça fait partie, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min ikhtilas shaytan, c'est une cause parmi laquelle le shaytan s'empare de ta salat et s'empare de ton esprit, qui est fi hadith Jabir, je crois. أو حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة lui a questionné au sujet du fait de lever la tête de droite à gauche pendant la prière, النبي صلى الله عليه وسلم lui a répondu que c'est une cause par laquelle s'empare du shaitan de la prière du abd, c'est-à-dire il a tout faire pour que sa prière soit amoindrie, je veux dire la récompense soit moindre ou bien qu'elle soit carrément annulée. Il y a un athar kazalika qui est bon à rajouter, c'est celui de Al-Hassan al-Basri, dans lequel il dit « Ida kumta ila salah, faqum qanitan kama amaraka Allah, wa iyaka wa sahw, wa l'iltifat, an yanzura Allah ilayka, wa tanzura ila ghayrihi, wa tas'al al-jannah, wa tata'awad bihi minan nar, wa qalbuka sahin la tadri ma taqul lisanak. » Il nous dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsque tu pries, tiens-toi humblement devant Allah Azza wa Jalla. Fais kabarak Allah. Tiens-toi, et on est de manière humble devant Allah Azzawajal, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Il fait allusion au hadith, ou plutôt à l'ayah, « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » Et tenez-vous, et on est de manière humble devant Allah Azzawajal. Il nous dit « وَإِيَّاكَ وَالسَّهْوَ الْإِلْتِفَاتِ » Donc prends garde à ce que tu sois distrait dans la prière et que tu dévies ta tête de droite à gauche. Car Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et toi tu dévies ta tête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est devant toi et toi tu la dévies de la direction dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se trouve, c'est-à-dire devant toi. Et il dit en plus de cela, tu demandes le Jannah, tu demandes le refuge contre l'enfer, et ton cœur est distrait, et il ne sait même pas ce que ta langue dit. Donc il nous fait part dans ce athar-là, que c'est vraiment détestable de tourner la tête pendant la prière, alors que comme on a pu le voir dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا كُمْتَ إِلَى صَلَةَ فَلَا تَلْتَفِتْ فَإِنَّ اللَّهَ يُوَاجِهُكَ. Lorsque tu te tiens dans la prière, ne dévie pas ta tête de droite à gauche, car Allah subhanahu wa ta'ala est en face de toi. Donc ça, c'est un mauvais comportement, et une chose qu'il faut vraiment éviter, même si cela n'annule pas la prière à partir du moment que ton corps ne sort pas de la qibla, mais c'est une chose qu'il faut éviter. Les personnes, lorsqu'elles se tiennent devant des personnes de haut rang, comme c'est le cas des ministres ou bien, et autres, ils se tiennent humbles devant ces personnes-là. Donc yani, Allah subhanahu wa ta'ala est plus en droit, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى et plus en droit à ceux qui sont tiennent droit et humble devant Allah Azza wa Jalla et que nos têtes ne dévient pas de la direction dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est et nous regarde. Donc ça c'était Inch'Allah et il manquait une mas'ala, c'est le fait quel est le jugement de le fait de lever les yeux vers les cieux pendant la prière, lever la tête vers les cieux pendant la prière, est-ce que ceci annule la prière, oui ou non, est-ce que ceci est haram, oui ou non, non, ceci est haram. Qui se rappelle du hadith qui nous prouve que ceci est haram, est interdit? Le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait part que la personne ani faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyana qawmun ma'ana raf'ihim absarihim min as-salah aw la yarfa'u Allahu absarahum yani bil ma'na. J'ai oublié un peu le hadith dans lequel il est dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam celui qui les gens cessent de regarder vers les cieux pendant la prière car je crains que leur vue soit ôté, si jamais il n'arrête pas de faire cela. Et le hadith est muttafaqun alayhi. Donc ceci nous prouve que c'est interdit. Car Nabi sallam quoi la yantahiyan, non, pas forcément. Comme on a pu le voir, ce n'est pas toute obligation qui annule la prière. Tout rukn qui est délaissé, ça annule la prière, mais toute obligation n'est pas forcément, comme on a pu le voir dans la muqaddimah, si vous vous rappelez, dans la préface du livre, du résumé de Cheikh Al-Albani, il avait dit que l'obligation, elle peut être, si elle est délaissée, elle peut annuler, comme elle peut ne pas annuler, barakallahu fikum, la prière. Et ça, c'est un cas. Il n'y en a aucun dalil qui nous prouve que ceci annule la prière. Mais Nabi Sassam, il a menacé ces personnes-là en leur disant que si jamais ils n'arrêtent pas de faire cela, leur vœu sera ôté. Donc, on peut bénéficier, ou plutôt profiter de ce hadith-là, qu'il est une cause, parmi les causes qui vont ôter sa vue, mais pas annuler la prière. Donc, ceci est haram. Comme l'a dit Nabi Sassam, la yantahiyan. Et même, il a appuyé cette interdiction avec Nunat Tawkid. La yantahiyan. Ceci appuie l'interdiction. Si jamais la chose est interdite. Et Kazalika, le fait qu'un Nabi Sassam nous dise ou il menace la personne que sa vie sera ôtée, ceci nous prouve Kazalika, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, que ceci est vraiment détestable, ou plutôt, ceci est haram. Inch'Allah, notre rôle fut d'Arch al-Yom, par rapport à quoi? Le fait que la personne a un regard vers les cieux, c'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'elle doit faire une prostration de distraction? Là, elle ne doit pas faire, parce que ce n'est pas une chose qui. La prostration de distraction, en fait, elle a été légiférée dans le but de combler les manquements de la prière. C'est-à-dire que si jamais tu délaisses une chose qui était obligée de faire dans la prière, le fait que tu lèves la tête au-dessus, tu as fait une chose, tu as rajouté un surplus dans la prière. Tu n'as pas enlevé une chose de la prière. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu, par le fait que tu as levé la tête aux cieux, vers les cieux, tu as ajouté quelque chose à la prière qui est interdite. La prosternation de distraction, elle est faite pour les choses, il a émis les manquements, afin de combler les manquements de la prière. C'est-à-dire, si jamais Mathalan aurait délaissé, on va dire, les takbir. Lorsque la personne se déplace, comme on va le voir, Inch'Allah, d'un endroit à un autre dans la prière. Celui qui va aller du rukou', après le rukou' qui va aller au sujoud, il dit Allahu Akbar. Le fait que tu ne dises pas Allahu Akbar, tu as délaissé une obligation. Ce délaissement-là t'oblige de venir ramener la distraction, plutôt la prostration de distraction, car tu as enlevé une chose de la prière. Donc il y a un manquement qui doit être comblé, qui se comble par la prostration de distraction. Donc comprenez cela, que la prostration de distraction, elle a été légiférée pour combler les manquements de la prière. Et Kadalika, elle a été légiférée pour servir, pour la distraction. Pas forcément pour les manquements de la prière, mais Kadalika, pour la distraction. La personne qui a prié 5 rakas au lieu de 4, Kadalika, il a ajouté une chose à la prière, mais cet ajout-là, il a été fait par distraction. Donc, pour deux raisons, la prostration de distraction, elle est légiférée. Pour la distraction, comme c'est son nom, et Kazalika pour le combler les manquements de la prière. On va essayer de rentrer dans le cours, quand on est un peu tardé au niveau des questions. Massacrement tardé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala l'imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullahu ta'ala, dua al-istiftah. Dua al-istiftah. C'est-à-dire, quel est le jugement, les invocations qui sont faites pour le prologue de la prière, pour l'ouverture de la prière. Avant tout, il est bon de savoir que, barakallahu fikum, avant de connaître le jugement, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré l'invocation et son invocation comme prologue de la prière, comme c'est le cas dans Dua al-Istiftah, comme vous allez pouvoir. Car comme l'indique son sens linguistique, yani ad-dua, qui est marouf, yani c'est une invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la prière pour que cette prière-là soit une évocation et une évocation de son rappel. Une évocation de son rappel. Car comme l'indique le sens de As-salah fil lora, c'est Ad-du'a. As-salah fil lora, al-arabiya, c'est Ad-du'a. Wa yidul ala zalika, ce qui nous prouve cela, la ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Et invoque en leur faveur, car ton invocation est une quiétude pour eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le terme as-salah pour l'invocation. Car la prière, en elle-même, elle est une invocation. Elle est une invocation et une évocation du rappel d'Allah azza wa jalla. Du fait d'être, Allah subhanahu wa ta'ala, par la valeur qui est le fait de l'évoquer, qui est compris dans le terme as-salah, il a légiféré du'a al-istiftah, c'est-à-dire l'invocation de l'ouverture de la prière, qui a été légiféré par le fikum afin d'émancifier Allah Azza wa Jal, de vanter ses mérites, de vanter sa grandeur et de lui demander de ses faveurs. Wad-du'a, ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation, fil islam, fil shar, dans la législation, dans l'islam, il se divise en deux, yam qasimu et la qismain, comme vous avez pu peut-être le voir dans les kutub de Tawhid. Du'a ibada, wa du'a mas'ala, c'est-à-dire une du'a. Invocation d'adoration et invocation de demande. Et ces deux sortes de dua, elles sont comprises dans dua al-istiftah, c'est-à-dire la dua que tu dois faire lorsque tu veux faire le prologue de la prière, ouvrir ta prière. Ces deux sortes de dua d'invocation, elles sont comprises dans dua al-istiftah. Car la personne, comme on va le voir dans les formules qui sont légiférées pour cela, la personne demande à Allah Azza wa Jal, yani de ses faveurs, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et l'akhirihi. Le fait qu'il demande une chose, ceci fait partie des du'a mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de demande. Et le fait qu'il vante les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas, comme c'est compris comme ça a été évoqué dans le du'a al-istiftah, ceci s'appelle yani du'a et ibad, c'est-à-dire la du'a, l'invocation d'adoration, c'est-à-dire qu'il demande pas à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal, mais il est en train de vanter ses mérites, sa grandeur, et l'immensifier, le vénérer. Ceci est une invocation d'adoration, et non de demande. Donc ces deux sortes d'ibada sont compris lorsque tu fais le prologue de la prière en disant, en formulant les formules qui sont légiférées pour cela. Faire le prologue de la prière, c'est-à-dire par du'a al-istiftah, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par une grande valeur de la prière, qui est l'apaisement des cœurs, des esprits, des membres, car il figure dans cette ouverture le rappel d'Allah Azza wa Jal. qui, comme l'indique le Coran, est une tranquillité et un apaisement pour le cœur. قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que se tranquillise et que ce naam s'apaise les cœurs et que s'apaise les cœurs. وكذلك جاء في السنة. Il est venu de la sunna, ce qui nous prouve كذلك que بارك الله فيكم la prière ou bien que dua al-istiftah elle a été légiférée pour ce grand cette grande valeur qui est dans la prière, c'est-à-dire le fait d'être apaisé, tranquille dans la prière. Un Nabi sallam قال لي Bilal ibn Rabah arihna biha ya Bilal. Un Nabi sallam nous dit, il disait à Bilal, apaise-nous par l'appel de la prière. Un appel de la prière dans lequel il est évoqué le nom d'Allah azza wa jalla, dans lequel il est vénérer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on dit le mu'adhin dit Allahu Akbar ila akhirihi, toutes ces choses-là, kadhalika, elles sont comprises dans du'a al-istiftah, car tu vantes les mérites d'Allah Azza wa Jalla, et barakallahu fikum, tu le vénères et tu l'immensifies. Et comme il a pu l'évoquer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceci est un apaisement. Arihna biha ya Bilal. Donc la personne, lorsqu'elle fait du'a al-istiftah, elle se voit par là s'apaiser et tranquilliser ses membres afin de rentrer et aller correctement et humblement dans la prière. Donc, du'a al-istiftah, c'est une aide yani, qui va t'aider, inshallah, à être beaucoup plus humble dans la prière. Car il y a dans cette du'a, c'est-à-dire dans cette formule, un apaisement et une tranquillité des cœurs et des membres. Allah bi dhikrillahi tatma'inul qulub, n'est-ce pas? Que par le rappel d'Allah Azza wa Jal, que ce s'apaise les membres. Il y a là, kazalika, dans du'a al-istiftah, il y a une main tendue pour celui qui commet des péchés yani, de manière continue. Car il y a à travers ces invocations et l'évocation d'Allah Azza wa Jal, qui est compris dans ce du'a al-istiftah, la clé qui ouvrira barakallahu fikum aux serviteurs les portes de l'espoir et de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car celui qui vante les mérites d'Allah Azza wa Jal, ses vertus, ses noms, ses attributs, avec un cœur présent, avec une lisan yani tahira, avec une lisan qui est tahira, qui est pure, qui a été purifiée plutôt, et un cœur qui est bien replié, tamam, en méditant sur les sens qu'il est en train de dire, en méditant sur les invocations qu'il est en train de dire, ou bien l'évocation qu'il est en train de prononcer, tamam, ceci yani, va certainement ouvrir à ce Abdallah la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. Car il va sentir en lui l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, marhaba fikum, il va lui pardonner ses péchés. Car l'amour qui est compris dans cette dua-là, pour la personne qui l'aura médité, va faire de ce Abdallah qui aura un grand espoir. Car quand tu aimes une personne, ou quand tu aimes Allah Azza wa Jal, tu as espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Et comme on va le voir, yani, ça a été légiféré aussi pour que la personne se rappelle, qu'il soit modeste et qu'il se rappelle de son rang, et qu'il se rappelle qu'il est qu'une personne qui commet des péchés, et qu'il fait par le biais de la salah, il annule le pas en avant pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, comme on va le voir dans les formules qui sont évoquées pour du'a al-istiftah. Quant au jugement de du'a al-istiftah, est-elle une obligation, est-elle une recommandation, il a khirihi, l'avis qui est prépondérant, car il y a une divergence à ce sujet, c'est que c'est une sunnah, une sunnah qui est mu'akkada et non une obligation. La preuve qui nous prouve cela, hadith Abu Huraira, dans lequel il dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا كبر للصلاة سكت هنينة فقال أبو هريرة بأبي أنت يا وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. Donc ce hadith Abu Huraira demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il avait observé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre le takbir et la lecture de Fatiha, ou plutôt la demande de refuge, il voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se taisait. Il se taisait entre ces deux moments-là. Il s'est renseigné par rapport à cela. Il lui a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je te vois observer un silence entre le takbir et la demande de refuge, ou bien al-qira'a, la lecture de Fatiha. Que dis-tu à ce moment-là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, je dis Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Yani, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ou qu'il éloigne des péchés. Les savants ont déduit de ce hadith-là que si jamais le jugement de la doua de l'istiftar, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture, il aurait été obligatoire, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas attendu que Abu Huraira, na'am, il lui pose la question, mais il se serait empressé de lui donner le jugement de cela. Car ils nous disent, comme c'est ma'rouf, yani, min qawa'id usul al-fiqh, parmi les règles des bases, yani, du jugement de la jurisprudence, que yani kama yaqulun ta'khir al-bayan 'an waqtihi al-haja la yajuz. Yani de faire retarder un exposé ou un jugement, ou le jugement d'une chose, au moment où il doit être exposé et énoncé, et on dit ça, c'est une chose yani, qui est interdite. Donc le fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tué sur le jugement, ou qu'il n'a pas informé Abu Huraira, qui était une personne qui fréquentait beaucoup de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ne lui a pas annoncé cela, ils disent, les ulama, ceci nous prouve que ceci n'est pas une obligation, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui est obligatoire de transmettre la religion. De transmettre la religion, et surtout les choses qui sont obligatoires, les choses par lesquelles s'accomplit la prière, qui est le deuxième rukn, qui est même le pilier de l'islam, comme on a pu le voir. Donc il nous dit, le fait qu'il s'est tué sur le jugement, que ce soit Abu Huraira qui a fait le premier pas pour cela, et nous, ceci nous prouve que c'est une recommandation qui est fortement recommandée. Tamam, et non une obligation. Et ils ont appuyé ceci, c'est-à-dire l'argument pour dire que l'avis prépondérant c'est une recommandation et non une obligation. Ils ont dit, Kazaleka, Dua al-Istiftar, c'était une invocation d'ouverture, elle n'a pas été évoquée dans le hadith, Moussi al-Salah, dans lequel, comme on a pu le voir, on l'a répété beaucoup de fois, qu'Ibn Rajab a dit que tous les énoncés qui sont évoqués dans ce texte-là font partie des choses ou bien des piliers de la prière. Des choses par lesquelles s'accomplit la prière. Par lesquelles yani, il n'est pas permis d'ignorer, car la prière s'accomplit par cela. Donc le fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas évoqué cela à la personne qui ne savait pas bien prier, ceci nous prouve que ce n'est pas une chose par laquelle s'accomplit la prière, mais par laquelle se parfait na'am la prière. Par laquelle se parfait la prière. Donc le jugement qui est prépondérant, c'est de dire que ceci est une recommandation mu'akkada, yani sunna mu'akkada, très fortement conseillée. Et donc très fortement déconseillé de délaisser, comme on a pu le voir. C'est une chose qui a une grande valeur, qui est une aide pour le pécheur pour revenir vers Allah Azzawajal. Et qu'à l'éca, une tranquillité pour le cœur et les membres, chose qui est fortement recommandée dans la prière. Et qu'à l'éca, il reconnaît la modestie, il demande à Allah Azzawajal et l'akhir. C'est qu'un khir pour lui. Donc qui délaisse yani, la demande pour Allah Azzawajal, c'est pas une chose qui est convenable, ce qu'il demande pour Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et lorsque ton serviteur me demande, dis-leur, ya Muhammad, que je suis proche d'eux et que je réponds à l'appel de celui qui me demande. Donc Allah subhanahu wa ta'ala répond aux demandes. Donc pourquoi délaisser la demande tamam des favoris d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah subhanahu nous informe de ce verset que ses deux mains sont Allah subhanahu donne de manière abondante. Donc pourquoi se priver de la demande d'Allah Azza wa Jalla en délaissant une chose que par laquelle tu te vois octroyer les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au moment où il faut dans la doua de l'istiftah d'être dit, comme on a pu voir dans le hadith précédent, c'est entre al-takbir wa al-qira'a, c'est-à-dire avant que tu fasses la demande de refuge qui est demandé de faire avant la lecture du Fatiha. Donc tu dois dire entre ces deux moments-là, comme on a pu voir dans le hadith, faqala kana bi sallam idha qama li salat yani sakata bayna al-takbir wa al-qira'a. Il se taisait entre, il observait le silence entre le takbir wa al-qira'a. Donc on peut voir kadhalika, et ça c'est un dalil qui nous prouve que ad-du'a l'asl fihi c'est la discrétion. Parce que Abu Huraira ne savait pas ce qu'il disait. Amma Allahu Akbar, il savait. Et la lecture, qu'il savait, car Nabi Sassam, il levait na'am la voix. Donc ceci nous prouve que la dua doit être faite par discrétion. Comme on a pu voir dans l'aïa, Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufiya. C'est-à-dire, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par soumission et na'am de manière humble et barakhlafikum et de manière discrète. Et de manière discrète. Donc il ne faut pas élever la voix pendant dua, l'istiftah, mais de manière à ce que, comme on a pu le voir, que tu te fasses entendre toi-même. Tamam. Tu n'es pas non plus yani sur le cœur, il faut que tu parles. C'est-à-dire que tu te fais entendre toi-même sans élever la voix. Et Inch'Allah, on va évoquer les formules qui ont été énoncées par rapport à cela. Et Inch'Allah, on va conclure sur cela. Donc parmi les ad'iyas, c'est-à-dire les adhkar et les invocations qui ont été légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'uswa. Et comme on va le voir, Dua al-Istiftah, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes le doigt al-stifter. Donc, inshallah, c'est bien de changer, de varier entre cela et surtout de rester. Donc, vu que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous a laissé le choix de varier entre les doigts, inshallah, qui vont être comme incessamment sauté, incessamment sous peu yani cité, il faut, c'est-à-dire que la personne ne doit pas ramener des adhkar yani de lui-même, de sa propre, de sa propre pensée. Vu qu'il y en a plusieurs et c'est varié, donc, inshallah, il varie et se suffit de ce qui a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi elles, et c'est la dua qui est la plus authentique. C'est-à-dire, lorsque tu regardes les chaînes de transmission, c'est celle qui a été, qui est le plus authentique, c'est le hadith d'Abu Hurayra dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a staftaha salat, n'aham, comme on a pu le voir juste avant, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya, kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib, Allahumma naqini min khataya, kama yunaqqa thub al-abyadu min al-danas, Allahumma sinni, irsilni min khataya, bithalji wal-ma'i wal-marat. Dans cette dua-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah azza wa jal qu'il éloigne de ses péchés, qu'il mette entre lui et ses péchés une distance telle qui est entre al-mashriq ou al-maghrib, tamam, l'est et l'ouest, tamam. Ceci yani afin que ses péchés soient expiés, ou kadhalika, afin que ce soit une protection pour que le abd ini il s'approche pas des péchés. Donc il demande que les péchés soient pardonnés ses péchés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette entre lui et les péchés un rempart d'une distance telle que al-mashriq ou al-maghrib. Il a demandé kadhalika, il a demandé que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et qu'il lui expie les péchés, ses péchés, lui efface ses péchés, comme c'est le cas de l'habit blanc tamam qui est souillé, et kadhalika que Allah subhanahu wa ta'ala mette dans son cœur al-thalj ou al-ma ou al-baral, qui nettoie son cœur avec l'eau, la neige et la grêle, c'est-à-dire afin de refroidir la chaleur. C'est une métaphore pour dire que yani les péchés, comme vous pouvez le voir, yani ils brûlent le cœur, tamam, ils brûlent le cœur, et il demande à Allah azza wa jal qu'il éteigne cette flamme et cette ardeur là tamam, en mettant dans son cœur al-thalj wa al-ma wa al-barad. Yani c'est une expression pour dire pour que son cœur revienne à l'état initial et que son cœur soit renforcé, naham, et qu'il soit éloigné des péchés. Et kadhalika parmi, donc ce hadith là il est muttafaqun alayh, comme on a pu voir, ça c'est la dua qui est la plus authentique à faire lorsque tu ouvres la prière. Et kadhalika, il y en a beaucoup, inchallah, on va en citer quelques-unes tamam, parce que je vois que l'heure du dhuhr inchallah s'approche pour vous. كذلك من الدعاء celle qui a été rapportée par Abu Daoud et autres selon Aïcha et Abu Sa'id et autres, كذلك que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. Donc ce hadith là il a été rapporté par, comme on a pu voir, Abu Daoud, وكذلك par Muslim, وكذلك par Muslim, et c'est un hadith en vérité qui est موقوف ala ibn Umar, ala Umar ibn Khattab radi Allahu ta'ala anhu. Tamam, ce hadith là il est plus juste de juger qu'il a été, alaykoum salam wa rahmatullah, il est plus juste de juger qu'il est, barakallahu fikoum, mawquf ala Umar ibn Khattab, c'est-à-dire barakallahu fikoum, qui ce hadith là n'est pas un des hadiths yani du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani c'est pas une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, mais que Umar a dit. Tamam, donc il est bon inchallah de faire précéder les invocations de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à celle de Sahaba. Tamam. Donc, yani, celle qui a été avant, ça c'est une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et celle-ci, c'est une chose qui est propre à Omar. C'est Omar qui l'a dit et non à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette da'ala, barakallahu fikum, Omar ibn Khattab, il a voué la louange à Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive. Et il a rendu exempt Allah azza wa jal et l'a purifié de toute chose qui n'est pas convenable Allah Azza wa Jal. Car lorsqu'il dit Subhanak, c'est une chose, c'est une formulation, une formule qui est utilisée pour purifier Allah Azza wa Jal de toute chose qui est, de toute mauvaise chose qui est dite sur Allah Azza wa Jal. Wa bihamdik, c'est pour affirmer la louange et la perfection d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc il a joué entre les deux, entre la perfection de ses attributs et entre le fait de rendre exempt Allah Azza wa Jal de toute chose qui n'est pas convenable de dire Allah Azza wa Jal ou bien d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala jadduk, c'est le fait de prononcer, d'élever Allah Azzawajal au-dessus de toute chose, d'élever l'immensité d'Allah Azzawajal au-dessus de toute chose, de l'élever au-dessus de toute chose, d'avoir la conviction que sa souveraineté allait au-dessus de toute la souveraineté d'autres personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose, que ce soit du côté souverain ou bien autre. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Wala ilaha ghayruh ma'ruf, qui n'est d'autre divinité qui mérite en toute vérité d'être adorée en dehors d'Allah azza wa jalla. Donc cette dua là, l'istiftah, subhanak allahumma bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, comme l'ont dit les ulama, elle comporte les trois sortes du tawhid: tawhid ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma wa sifat. Tamam. Al-uluhiyya, car il a dit à la fin, la ilaha ghayruk, il n'y a d'autres divinités en toute vérité qui méritent d'être vérité en dehors d'Allah azza wa jalla. Donc ceci, tawhid al-uluhiyya. Wa tawhid al-asma wa sifat, car il a affirmé la perfection d'Allah azza wa jalla et il a exempt de toute imperfection en disant subhanak allahumma wa bihamdik. Tamam. Wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk. Tamam. Ceci yani prouve la souveraineté d'Allah azza wa jalla, et comme c'est ma'ruf, la souveraineté fait partie des choses qui sont propres à Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire le Tawhid de la Seigneurie, comme il est traduit en français. Parmi kadhalika, les du'as, qui est bon de dire dans du'as al-Istiftah, c'est le fait de dire Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yani de vénérer Allah Azza wa Jal par le takbir, par la louange, de manière abondante, et de rendre exempt Allah Azza wa Jal de toute chose qui ne lui est pas conforme et qui ne convient pas d'être attribué à Allah Azza wa Jal, jour comme nuit. Bukaratan wa asila. Ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam muslim. Donc c'est une d'Ibn Umar, et c'est une chose qui est thabite. D'un point même que le Nabi sallam, lorsqu'il a entendu une personne dire ces choses-là, فقال من القائل من القائل كلمة كذا وكذا, qui a dit cette parole? فقال الرجل أنا, يا رسول الله, c'est moi qui ai dit cette parole. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء, il dit ah, cette formule là m'a plu au point même que les cieux se sont ouverts pour cette parole. Donc c'est une parole d'une grande valeur, d'une grande barakatoufikum d'aran auprès d'Allah Azza wa Jalla, jusqu'au point que les cieux se sont ouverts afin d'accepter cette parole-là. Parmi les du'as al-istiftah, kazalik, il y en a beaucoup. Hein, c'est celui qui a été rapporté kazalik par l'imam muslim, sur Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'anhu, annahu qal, annahu kana qal, annahu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha qama ila salah, faqala, wajjahdu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wa arhanifa wa ma ana min al-mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا وأنا من المسلمين اللهم أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرفني عني سيئها لا يسرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Donc cette formule qui est un peu longue, mais والله qui lorsqu'elle est prononcée par un cœur qui est présent et bien rempli vers Allah Azza wa Jal, elle regroupe de hautes sollicitations. تمام. أولا الإخلاص لله عز وجل, car il dit j'ai orienté mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Donc il reconnaît la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et qu'il est modeste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est grand. Hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Yani ceci me pousse à ce que je n'adore autre qu'Allah Azza wa Jal, car c'est vraiment lui le plus grand, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est vraiment celui qui mérite l'adoration. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il a plus cela en disant que mes actes d'adoration. Il a prononcé, il a ramené les trois actes d'adoration, deux actes d'adoration, al-nusuk wa salah, la salah qui est l'œuvre la plus grande que les membres yani peuvent s'adonner, al-nusuk qui est l'œuvre la plus grande qui peut être dépensée, c'est-à-dire au niveau du comment s'appelle des biens, qui est l'œuvre la plus grande qui est dépensée au niveau des biens. Donc il a joué entre les deux plus grandes œuvres, celles qui sont faites par les membres et celles qui sont faites parlez bien. Et il nous dit que tout cela est réservé à Allah Azzawajal de manière exclusive, car c'est lui le Seigneur de l'univers. Donc il appartient à Allah Azzawajal. Et il loue, dans cette formule, il est fait l'éloge d'Allah Azzawajal par sa souveraineté. C'est lui le souverain, c'est lui qui détient le royaume, qui n'a d'autre divinité en dehors de lui. Il reconnaît, ça fait partie des choses qu'il faut être, qu'il faut conserver plutôt, qu'il faut observer lorsque tu pries, ou plutôt lorsque tu ouvres la prière. Yani, que tu sois modeste, comme le faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ana abduk ». Yani, reconnaît qu'il est petit auprès d'Allah azawajal et qu'il est modeste. Yani, il faut ressentir une modestie auprès de la grandeur d'Allah azawajal. « Ana abduk », je suis ton serviteur. « Zalam tu nafsi », je me suis fait du mal ou du tort à moi-même et je reconnais mes erreurs, je reconnais mes péchés. Me reconnaître ses péchés, comme on a pu le voir, c'est une main qui était donnée, qui est donnée à la personne qui fait le péché. « Adu'a l'istiftah ». Donc il ne faut pas la négliger et surtout pas la délaisser, car c'est une porte qui est, ou plutôt une main qui t'est tendue afin que tu puisses te repentir auprès d'Allah Azzawajal. Et tout en reconnaissant qu'il n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse pardonner ses péchés. Ensuite, il est demandé dans cette formule-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers les meilleurs et les plus nobles des comportements et qu'il ne le guide pas vers les comportements les plus abjects. Et il demande aussi que Allah subhanahu wa ta'ala l'écarte des péchés et du mauvais. Et nul ne peut ne faire ça en dehors d'Allah, c'est-à-dire nul ne peut lui donner la facilité de faire cela qu'en dehors d'Allah, qu'il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la capacité et le pouvoir de pouvoir nous éviter ces genres de choses-là. Le bien est en entière partie entre tes mains, c'est-à-dire que tu n'attribues pas le mal à Allah de manière globale. Comme vous allez voir, Inch'Allah, dans le livre d'Aqidah, il n'y a pas de contradiction par rapport à cela. La personne peut se dire comment le char n'est pas vers Allah, azawajal, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose. Ce qui est voulu ici, c'est que tu n'attribues pas le mal auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière globale. Car toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit un bien ou un mal, elle a une hikmah. Tamam, elle a une hikmah. Car, mathalan, si jamais le mal ne serait pas présent sur terre, il y aurait beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, qui ne seraient pas connues auprès de nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on sache, qu'il aime les choses, ou bien qu'on fasse l'éloge, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Donc si jamais il n'y a pas de mal, il n'y aura pas de amr bil ma'ruf, ou plutôt de nahi anil munkar. Et c'est une chose qu'Allah aime. S'il n'y a pas de mal qui est présent sur terre, il n'y aura pas de jihad, et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. S'il n'y a pas de mal, il n'y aura pas de wala wal bara, le désavou pour Allah Azzawajal. Comment on aurait pu connaître les personnes qui sont sincères, ceux qui délaissent pour Allah Azzawajal et autres? On ne va pas s'étaler sur ce sujet-là, c'est une chose qui est propre à la haqidah, mais c'est juste pour faire un petit aperçu et pas avoir une mauvaise pensée par rapport à ce hadith-là. Le char nese wa char nese ilek, le mal ne peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala de manière globale. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala crée le mal. Il a créé le mal d'une manière, ou plutôt d'une sagesse, mais pas afin de s'adonner au mal. Mais la personne, lorsqu'elle a fait le mal, on dit le mal là que tu as fait, c'est toi qui as fait le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le mal, mais tu n'as pas dit de le faire. Il a créé le mal pour ses hikmah, comme on a pu le voir, et autres, mais tu n'as pas demandé pour autant de t'adonner au mal. Donc la chose que tu fais, c'est même nafsi qui m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasatin, fa min Allah, wa ma asabaka min sayyatin, fa min nafsik. Tout bien que tu as pu voir, c'est provient d'Allah Azzawajal. Et si jamais le mal t'atteint, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Car c'est toi qui t'es empressé vers ces choses-là. Donc, Inch'Allah, lorsqu'il est dit le char laissa ilik, et il laissa ma'na talika, en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé le mal. Il y a d'autres, Inch'Allah, barakallahu fikum, invocations. Mais cela, c'est les plus importantes, quand même. Car d'autres sont employées pour Qiyam al-Layl. Donc, tous ces d'invocations et autres, barakallahu fikum, elles sont tous authentiques. C'est les choses dans lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de varier entre elles, donc il faut varier, quand même. Il s'est jamais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, arrêté sur une dua bien précisément, mais il a varié entre ces dua et l'istiftah. Donc, il n'est pas impliqué aux musulmans qu'il reste sur une dua, mais si jamais il le fait, il n'y a pas de mal, mais c'est mieux qu'il fasse comme l'a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il varie, quand même. Et tous, barakallahu fikum, elles comprennent la valeur de la grandeur d'Allah Azzawajal, yani d'évoquer la grandeur d'Allah Azzawajal, d'évoquer l'immensité, les ailes pour l'éloge d'Allah Azzawajal, tout ça sont, converge vers un même point qui est d'honorer Allah Azzawajal. La dernière invocation est-elle pour la nuit, c'est ça? Moi, celle que je connais, c'est Allahumma Rabbi Jibril wa Mika'il. Celle qui commence comme celle-là. Tamam. Celle-là, elle est pour la nuit. Ça, c'est ce que je connais. Qui est ma'ouf. Elle est pour la nuit. Ah, mais celle-ci, elle a pas été, c'est pas été précisé. Tamam. Ça n'a pas été précisé. Est-ce que c'est pour la nuit ou pas? Il y a une deuxième qui est pour la nuit. Qu'est-ce que c'est? Allahumma lakal hamd, anta nuru samawati wa ard. Wa lakal hamd, anta qayyumu samawati ard. Ces deux-là sont connus, yani, pour être, que Nabi Sassam, il l'a fait pendant la nuit. Tamam. Donc, Amdel, moi, j'ai fait esprit de ramener celles qui ont été évoquées dans les prières obligatoires. Et même sur obligatoire, on peut les dire dans les deux, sur obligatoire, mais celles qui n'ont pas été spécifiées pour la nuit. Celles qui n'ont pas été spécifiées dans la nuit. Donc, comme on a pu le voir, celle-ci, c'est-à-dire Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya, kadhalika wajjahtu wajhi lilladhi fatara samawati al-ard, c'est comme on a pu voir à l'instant, et Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira. Donc, j'ai fait esprit de ramener ces trois sortes-là, car les autres sont précisées pour la nuit. Tamam. Les autres sont présents pour la nuit, mais il n'y a pas de mal à ce que tu dis ça. Mais le mieux, c'est de ne pas faire, car Nabi Sassam ne l'a pas fait. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et vous avez dans le prophète un exemple à suivre, un bon exemple à suivre. Donc, on se limite à ces trois-là et on varie. Les trois qu'on a pu citer. Et la plus authentique, c'est la première que j'ai citée, celle qui a été rapportée par Abu Huraira, qui est muttafaqun alayhi. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Allahumma naqqi min al-khataya ila akhirih. Et ça, c'est Cheikh Mourbel qui l'a dit. Rahimahullah ta'ala, il nous a dit que cette formule-là, c'est la plus authentique qui a été mentionnée dans le chapitre des invocations de l'ouverture. Y a-t-il des questions, Inch'Allah? Ou on conclut sur cela? Si vous avez des questions, Inch'Allah, levez la main afin que on sache s'il y a des questions ou pas. Donc, Alhamdulillah, le cours était simple, Inch'Allah. Il n'y a pas besoin, je pense, d'éclaircissement. سبحانك الله بحمدك لا إله إلا استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله عفوا سيما جزء من اختارته سبحانك الله استغفرك واتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار